Oi. Yeah, man, a shins la blend son. The was management worth them a bantan. Alright, yes, sir. Allo, click, so bang. Basis ye ba yo, awa. Yo di shins vin deng. Passi pa kou wi douvan fling. Fa tout fait boss la paix. Pour les tout pit fou la paix. Sel, sa ki franchi ciel. Et en capote, respect. Tout seul qu'on séduit à dans bot. Faut imaginer qu'on trouve sans crever corps ou d'autres fous. Un d'autres souffle ou un d'autres fait la série. Un d'autres frère tiré avec maman et pas qu'à la splérer. Un peu qu'on savent sans qu'elle connaître la jol avant la mort. Celle bite en savent c'est qu'en fait on vit nos monde pour un mort. Pas j'ai vive l'en mort, donc pe pas pelle l'en mort. Maman séché l'amour, passe bon ou pas j'ai pède l'amour. Batman, mais en pas j'ai prétend. Tibou qui connaît tête fun, donc pe pas ni chetan. Ça qu'ils attendent que Dieu. Adena, worth them abandon. Pas bavadou, hey. Pas violi. Respect, pas Branson. No fan a tree, but fan a this. Fun tête moun, ba no vin fanatic. Faut tout fait boss la paix. Bad boy voit bad boy ne parle pas. No fan a trade but fan a this. Fun tête mon ba no vin fanatic. Celle ça qui franchit ciel qui en capote respect. Parasite toi ça nous this.